programme dans le sang, je crois que j'ai de quoi faire péter l'alcootest. Je suis grave dans le vent, transpire, mon haleine empêche. Je boirais bien un verre de Skype, putain. J'espère qu'il en reste. Mes Gucci a mis sa vodka. La bouteille est vide, donc je me sers un verre de vodka. Plus ma buzz de weed, négro, ne m'inquiète pas, j'encaisse. Même si j'ai mal au bide et que je contrôle pas mes gestes. Je suis à l'ouest, les filles me fuient comme la peste. Quand je suis dans cet état, elles me détestent. Je suis trop défoncé. Ton fiancé, ainsi que tout ce que je veux, c'est le défoncer. Comment ça, c'est pas possible, c'est ta face que je vais défoncer. C'est ça, va chercher ton mec, ton fiancé. Dis-lui que mon nom c'est O-C-K-N-E-Y, prononcé. Aucunet alcoolique, loin d'être anonyme, venu s'ambiancer. Déconner, cerveau déconnecté. Grosse montée, j'suis trop démonté. J'sens tout liquide dans mon vent qui commence à remonter. Ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si j'marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain j'crois que mon état ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si j'marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain j'crois que mon état mec, s'aggrave. C'est le jerrycan de feu, mais là j'fais le plein à l'alcool. Squat le bar, ça doit faire au moins 2 heures que j'picole. Je joue les vicieux, jette un oeil sur la piste en train de zioter. Les gars, ça fait longtemps que j'ai pas ken, pourquoi pas tenter. À peine je parle qu'émane de ma bouche l'odeur de vodka Estep. J'ai ramené des vodka pour rien, barman à whisky coca. Ce que je fais c'est risqué, au retour c'est moi qui conduis. L'alcool alourdit ma tête, du haut de ma chaise j'ai l'air étourdi. Je sais que si je me lève je vais béton, je tiens plus le goût. Je me l'assumise tellement profond que j'en parle à ma taille vous. Je sens que demain je vais passer une sale journée. J'aggrave mon cas au pneu, viens voir au bar, je paye ma tournée. Après je règle ma note et on rentre. Plus je marche, plus je sens la bégère remonter au ventre. Passe-moi les clés, j'ai des extraits dans le coffre des DSP. J'suis un petit joueur, donc ça remonte des pieds. J'tape galette sans respect, profondément je respire. Tout le monde est trop die, donc on dort dans la caisse. Jusqu'à ce que l'un des saoule et on rentre à la tête. Ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si je marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain j'crois que mon état ce grave. Ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si je marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain je crois que mon état s'aggrave. D'abord j'entre avec les couilles pleines, donc jamais en coupe, seul ou en troupe, frotte les croupes sur du woo ou du zouk. Un whisky double et un perse, voilà l'expert racoleur. La bête noire de tous les flaireurs quand je pars en éclaireur. J'apprécie les seins comme les obus ou les chanfrures. Que la bombe s'abonde et quand on bande sur les cambrures. L'alcool fait s'agiter les hauts talons, animer les pantalons et jogging. On aime donner ça en doggy en fumant nos cônes. J'économise au moins 100 000 au bar. Regarde le défilé de filles stylées en léopard. Donc on est là tranquille, tout à l'œil ils enquillent. Depuis tout à l'heure recherche une go qui sera gentille. On trinque aux relations volages si tu n'es pas trop large. Mais quand je suis ruiné au collage, je danse avec mon collage. Du rap des beats chez des bibines, je suis dans mon élément. Mais là mon sang brûle, j'ai du mal à remuer ce les membres. Ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si je marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain je crois que mon état ce grave. Ce soir c'est open bar, conso gratuite pour tous les crevards. Ouais, 2-3 verres, pas étonnant si je marche au travers. Si on peut boire 6 graves, frère, autant qu'on 6 graves. J'ai besoin d'air, putain je crois que mon état s'aggrave.